bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Bienvenue aux amateurs de rock progressif et ceux qui aimeraient le devenir. On a de la musique pour tous les goûts. Et cette semaine, en fait, pour les deux prochaines heures, nous aurons beaucoup de nouveautés, dont Fido de Californie. On a Otemé d'Italie, Midas Fall, je pense que c'est d'Écosse, de Stock d'Allemagne, Fabrice Bonny de France, Riversea d'Angleterre, Onk des Pays-Bas, Poja Khan d'Estonie, Don River Dead Man Go des Pays-Bas, Ostalov d'Allemagne, et on va terminer le tout avec un petit clin d'œil au rock progressif italien des années 70 avec un extrait de Contrapunti par Le Orme. Alors on débute l'album de la semaine avec Fido. Ceux qui suivent l'émission depuis le début de la saison, vous aurez eu la chance d'écouter le premier CD de cet album double-là. Et aujourd'hui, on va conclure l'exercice avec le 5 extraits du deuxième CD. Je rappelle que c'est le 10e album studio de Fido. L'album s'intitule Infernal. Et je rappelle que c'est un album double avec c'est un fleuve dans le fond avec 90 minutes, donc 1h30 de musique originale. Alors, comme mentionné, je vous propose 5 extraits du deuxième CD. Alors, voici Fido. Thank you. thirsty to the mission and hungry for a score to bring in more, bring in more. The battlefield is set with peace. If we only had today, would we wail about tomorrow? Would we wallow in our pain? Call the keeper sleeping soundly from his colorless cocoon. Now's the time to suffer loudly. There's no shelter from the truth. There's no shelter from the truth. There's no shelter. so good you forgot. You felt so good you forgot. And as the trophy draws nearer, the revealer is unmasked. The illuminant is made clearer, and the way is lit at last. And the way is lit at last. Oh. do not fear. All we want to do is talk. Only words and then your thoughts. Wait, I can't hear. Don't you want to tell? Be bored and feel pain. Your rewards for a well-played Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Fido avec 5 extraits du deuxième CD de ce double album qui est paru en septembre de cette année. Et juste un petit rappel pour ceux qui aimeraient entendre Fido en direct, mais sachez qu'ils vont être présents dans le cadre du Festival Terra Incognita du 17 au 19 mai 2019. Alors, moi, je serai là. Et puis, dans le cadre de ce festival-là aussi, on sait déjà qu'il y aura le guitariste aussi, Bjorn Riss, le guitariste de Airbag. Il y aura aussi Iz, une formation américaine. Je sais aussi que Iz Project, c'est un duo italien qu'on a beaucoup aimé ici à l'émission. Ils vont aussi être présents, ainsi que Basta, un autre groupe italien, un nouveau groupe italien. Alors, c'est un rendez-vous là, au festival Terra Incognita du 17 au 19 mai 2019. Alors, après la pause, au Teme d'Italie, Middelsfall d'Écosse et de Stock d'Allemagne. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on va débuter le deuxième bloc de cette émission avec un groupe italien du nom de Otemé. Ils ont un album qui est sorti au mois de mai de cette année. L'album s'intitule « Il corpo nel sogno » et on va entendre la pièce titre. Ça va être suivi de « Middelsfall ». Ça, c'est un groupe d'Écosse avec une chanteuse. Je pense que c'est leur premier album. C'est assez psychédélique, space qu'ils appellent. Et on va conclure avec un groupe allemand de Stock. C'est un groupe qu'on a déjà fait jouer à l'émission. Ils ont un album qui est sorti en septembre 2015 quand même, ça fait déjà 2 ans. Et c'est un album qui contient trois pièces. Trois pièces et qui totalise 44 minutes. Alors, c'est des pièces de 11, 13 et 20 minutes. Et ce que je vous propose, bien, c'est la pièce de 20 minutes que j'ai tronquée pour que ça rentre dans le bloc. Alors, on débute ça avec « Otemé ». Coperto di muschio riposo, non so da quanto tempo sono qui. Lucciole, briciole, tremule, graffiano il buio come lune filanti, dipingono un'aurora qualunque. Pettinano nodi d'alghe lungo la catena distesa, sognata dal corpo. Devo mollare la presa, ma non posso. Pronto allo schianto è il tronco mio nel sonno. Crolla in nuvole di polvere, impianti e sistemi, orbitali o casuali, semplicemente esistere come l'acqua, la sabbia, la calce viva, i desideri. Ero erba nel morbido letto del fiume indifferente, continuavo a sognare cuccioli di corallo, narie rose sotto vento, anemoni le mani, semplicemente abbandonare la cartilagine, il cammino capriccioso delle correnti. Abito qui da sempre, sempre presente, discreto, silenzioso. Scruto le ombre, i ricordi dei passanti, di coloro che vanno Thank you. to miss a thing. The silence is a lie. We've been together on a day in a way we might never fly. To your files, already you might be the bastard of your styles. Wait. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe allemand de Stock et un extrait de la pièce Puzzles. Ça, c'est tiré de leur seul album Human Eyes qui est paru en janvier 2018. C'est une petite correction que j'apporte parce qu'en début de bloc, j'avais mentionné en 2015. C'est plutôt janvier 2018. Et ça a été précédé du groupe écossais Midas Fall et la pièce titre de l'album Evaporate. Et en début de bloc, nous avions le groupe italien Otame. Et c'est la pièce titre de l'album Il Corpo nel Sogno qu'on a entendu. Alors, après la pause, Fabrice Boni, River Sea, Onk et Pojakon. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, on va aller avec du côté de la France avec Fabrice Boni. Fabrice Boni qui a sorti un album qui s'intitule « 7 plus l'infini ». Et ça, c'est paru en juin de cette année. Et c'est le cinquième album studio du groupe. Et je vous propose la pièce « Celtia ». Ça vient, c'est extrait de cet album-là. Et on va poursuivre avec « River Sea ». C'est un groupe d'Angleterre qui ont deux albums studio à leur actif, dont le plus récent, The Tide. Et je vous propose la pièce Shine, qui sera extraite de cet album-là. Ensuite, nous aurons la formation néerlandaise Onk. Onk, qui ont deux albums à leur actif. On a déjà fait jouer, d'ailleurs, le premier album qui est paru en 2014. Il s'intitulait Traveler. Mais là, ils reviennent avec Innerverse. Et je vous propose Paranoid Void. Et un petit nouveau du côté de l'Estonie, Pojakon. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. D'ailleurs, si vous voulez avoir le libellé exact là, de toutes les pièces, artistes et albums qui passent à l'émission, je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurone. Alors, tout y est. Alors, je reviens aussi à Pojakon, qui est un groupe d'Estonie. Et ils ont un album éponyme. Et je vous propose la pièce Oumanout. Alors, on débute ça avec Fabrice Boni. We'll be right back. head full of nothing, but a heart full of sun. Drag it to the surface, where it belongs. Out in the daylight, for the world to hear. Lay it out for all to view. They don't have to see your tears. They don't even have to see your tears. I've caught in moments that I captured in rhyme, frozen there forever in fragments of time. Life's new beginnings, all hopes and all fears. Lay it out for all to view. They don't have to see your tears. They don't even have to see your tears. Every now and then you get a little bit. Every now and then you get a little bit. Every now and then you get a little bit. Every now and then just a little bit. Like jigsaw pieces that fall into place and fill up the space in between. This is how we shine, shine, shine, shine, shine. A word to the wiser, a line for a fool, a vow for a lover, or a breaker of rules. A prayer for the spirit, make it simple and clear. Lay it out for all to view. They don't have to see your tears. Shine. They don't even have to see your tears. Shine. So every now and then you get a little bit. Every now and then you get a little bit. Every now and then you get a little bit. Every now and then just a little bit. Thank you. seconds will fade into vibration. Make way to light and strength. Vibrations unite acceleration while entering a known domain. I do not belong here. Thank you. Alors, c'était pour Jack On d'Estonie. C'est son premier album et on a entendu la pièce Oumanout. Auparavant, nous avions Onk des Pays-Bas. Ça s'appelle UNKH et la pièce Paranoid Void. Ça, c'est tiré de leur deuxième album qui est paru cette année, Innerverse. Auparavant, nous avions River Sea d'Angleterre avec la pièce Shine. Ça, c'est tiré de The Tide. Et en début de bloc, nous avions la formation française Fabrice Bonny et de la pièce Celtia. Ça, c'est tiré de 7 plus l'infini. Ça, c'est le titre de l'album. Alors, après la pause, Down River, Dead Man Go, Ostalov et Léormé. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et je vous propose une nouveauté du côté des Pays-Bas. C'est un groupe du nom de Down River Dead Man Go et l'album s'intitule Departures et je vous propose deux pièces, Prison Walls et Familiar Face. Ça sera suivi de Ostalov. Ça, c'est un groupe allemand que j'aime beaucoup. Ils ont deux albums à leur actif, deux albums studio. Et on va entendre une pièce tirée de leur premier album, Good Morning Dystopia, et la pièce s'intitule The Guards. Et pour conclure l'émission, ben, je fais un petit retour en 1974 avec un de mes groupes préférés, sinon mon groupe préféré, Léormé. Et je vous propose Fruto Acerbo de l'album Contrapunti. Alors on y va avec Down River, Dead Man Go. heart just to hold on to what is gone. And the sky full of stars, so out of reach behind these bars. Distant lights fading out, and every stone we have turned. Thank you. truth will always hurt. Like a flame that burns the skin. And now it's time to turn. Disappear. all dressed in black, with a finger on the trigger. We're here to say what we think, now they seem to gain vigor. Some idiots are throwing stones now, time to get lost, you say. The crowd of guards is getting bigger, we're turning and running away. Against the wall now, then look to me. Your picture's taken for your own safety. I remember the last time in this room, I didn't think that I'd be here again so soon. Supersonic silence is the station spell. Running, they got the license to kill. sotto il letto il diavolo cantava già vittoria. E nel buio la paura prima di dormire, per il primo giuramento che ho strappato al sole. A primavera il sasso nello stagno che rimbalzava così forte in noi, nel rotolarci sotto il fieno, soffriva il cuore frutto ancora acerbo. All'osteria per ripetere a mio padre la minestra è fredda, nel silenzio verso casa la sua mano triste, e le ragazze che ridevano dietro le spalle dei segreti ardori, io mi sognavo di fermarle, ma la mia voce si perdeva al vento. Sole grande e bianco, quanto amore, quanto amore mi scoppiava dentro. Ricordo ancora quello strano giorno, dissi sincero non lo voglio fare, ma la pregavo stare per un minuto solo. Alors, c'était Léormé d'Italie avec la pièce Frutto Acerbo. Ça, c'est tiré de Contrapunti. C'est paru en 1974. En passant, moi, c'est mon groupe préféré italien. Et je vous invite à visionner le DVD Live in Pennsylvania. Si vous aimez cette pièce, vous allez en entendre d'autres. Et l'intégrale de Felona in Sorona. Alors, ceci met fin à la programmation musicale de cette 195e émission, 196 en fait, émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 81 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. Vous n'avez qu'à vous, ouvrir soundcloud.com. Et dans la barre de recherche, vous tapez « Rock de neurones » et vous allez accéder à l'émission courante de la semaine. Et si vous voulez écouter des émissions en rediffusion, il y en a 127, vous allez sur la page Facebook de l'émission « Rock de neurones » et l'hyperlien va vous y amener. De plus, sur la page Facebook de l'émission, vous allez retrouver des chroniques, la plus récente étant celle de Fido, qu'on a entendu dans le premier bloc de l'émission. Et aussi, vous avez la liste du top 15 de l'année 2018, l'année en cours. Alors, je vous souhaite, j'espère que vous avez aimé l'émission et je vous souhaite de vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.